Labyrinthe, je crois, de toute façon, était une vue de l'esprit. Et me venait l'image du labyrinthe de l'esprit, qui est celui des adultes. Et si nous perdons souvent dans ce labyrinthe, c'est peut-être en effet que nous avons perdu le sens de l'orientation que nous avions lorsque nous étions enfants. En fait, un labyrinthe sonore est la forme la plus audacieuse d'une vue de l'esprit, puisque ça ne saurait exister. Un labyrinthe est fait de murs, est fait d'espace rigoureusement cerné et fermé. Alors que les sons ne sont pas et ne peuvent pas l'être. Les sons, de toute façon, s'évadent et pénètrent partout. Et ce labyrinthe sonore auquel je travaille tient compte de cela, présentera un espace fourmillant de sons à l'intérieur desquels un certain film pourra s'établir, certains systèmes de relais sonores. Mais il est clair qu'aucun auditeur ne pourra s'y égarer. C'est peut-être en cela qu'il rejoindra le labyrinthe des enfants.